mettra dans la poussière ton chameau sur le dos. Tu t'étonnes des nouvelles, tu t'amuses des journaux. Qu'il faisait beau. Vu des aquarelles et moi, des peintures à l'eau. Quand on t'enlèvera l'échelle, tu tiendras par le pinceau. Je me percevoir.